On a besoin de rien hormis d'une caisse qui approche, d'une inspi, d'une feuille, pour certains de la drogue. On a besoin principalement de se serrer les coudes, car à part Romger son pic pour que tu nous écoutes. J'invente pas des stories, cousin, tout seul je lutte à me restaurer. J'ai pas besoin de pistes touristes, si j'opère mon stylo aiguisé. Dur de quitter la haine, si elle nous oblige à rester là. Dur de se tirer, impossible d'investir avec le RSA. Dans mes récits j'écris ça, j'ai pas besoin que tu m'apprécies. Agressif, comme le Barça à domicile. Tout ce que j'ai, j'ai appris seul, en faisant face à la pression à bout de souffle. Et j'arche ma rage quand ça me saoule. Pas besoin d'habit à Rocco pour semer la panique au lit. Pas besoin de la lipo, tu serais mieux si j'aurais pas Nicolas. Hey cousin, passe-moi le pédo histoire de décoller. On attend tous un jour notre tour, mais c'est pas dit qu'on l'est. J'ai pas besoin de voter, hey, j'perds pas mon temps pour ces cons-là. Alors qu'il est que des mythos qui ne font que circuler. Tranquillou de mon côté, j'profite des instants succulents. Hey, t'as vu en un coup de vent, ta vie peut parfois s'écrouler. Des agents plus, des jeunes en moi, il paraît que leur balle ricoche. Pour ça que j'ai trop d'haine en moi, obligé faut que j'la recrache. J'ai pas besoin de ton aide, non, si c'est pour entendre des reproches. J'ai pas une fois qu'on est dedans qu'il faut nous tendre la perche. Et je sais que mon son c'est pas un hit à la Macarena. Non, non, j'ai pas besoin de ça, mais c'est la street, il a pas de carénage. Je sais que mon son c'est pas un hit à la Macarena. Non, non, j'ai pas besoin de ça, mais c'est la street, il a pas de carénage. J'ai besoin que de ma santé. Et j'ai besoin de vous le raconter. J'ai besoin de temps, nos jours sont comptés. Mais va falloir s'en contenter. J'ai pas besoin de tes conseils pour me faire de l'oseille. Que ta vie t'arrive pas, finis ça ou meurs, c'est mon zèle. Alors va te zèle, tu peux ranger ta gueulant. Je sais ce que je fais, même si pour toi je suis un peu lent. J'ai pas besoin de préciser, jamais le blé est visé. Arrête de me les briser, je préfère être méprisé. Je rappe pour le cirplay, honnête sans usurper. Je crache jusqu'à l'usure, gratos sans hésiter. J'ai pas besoin d'être anglais pour dire I love this game. Le com, je l'ai étranglé. L'under passe à 6ème et 6ème. Le rap à titre bénévole, c'est mon putain de problème. Putain, cette miche d'or, elle est folle. J'ai pas besoin de ton avis pour mes choix professionnels. C'est ma vie, après tout, si je kiffe le relationnel. Chacun ses goûts, chacun ses plus, chacun se débrouille comme il peut. Des amis en a peu, ça casse les couilles. J'ai pas besoin de le justifier car des cons j'en dois à 101 PRC, tout à fait mon 3A. Je gère ma IIV comme tu veux l'entendre. Son choix sera le mien, c'est ce que je les entends. J'oblique pas le hasard, t'as pas le mental mais y'en a besoin pour survivre dans ce monde où les gens en prennent besoin. En général tout ça part d'une bonne intention qui s'estompe avec le temps, donc faut faire attention. J'ai besoin que de ma santé. Et j'ai besoin de vous le raconter. J'ai besoin de temps, nos jours sont comptés. Mais va falloir s'en contenter. J'ai besoin que de ma santé.